إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن كلمة لا إله إلا الله لها فضائل عظيمة وفواضل كريمة ومزايا جمة لا يمكن لأحد استقصاؤها وهي أفضل الكلمات وأجلها وأعظمها ولأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار فهي العروة الوثقى وهي كلمة التقوى وهي أعظم أركان الدين وأهم شعب الإيمان وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة وأصل الدين وأساسه ورأس أمره وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى جعلها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم وقال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى في أول سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وهذه الآية هي أول ما عدد الله على عباده من النعم في هذه السورة فدل ذلك على أن التوفيق لذلك أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده كما قال سبحانه وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال مجاهد رحمه الله لا إله إلا الله serviteur d'Allah craignez Allah et sachez que la parole de la ilaha illallah qui signifie en français rien ne mérite d'être adoré excepté Allah parce que certaines personnes traduisent cette parole incorrectement et lorsqu'ils traduisent la ilaha illallah ils disent que ça signifie qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et bien entendu, cette signification est incomplète et incorrecte, puisque la vraie signification du témoignage de la ilaha illallah en arabe signifie la ma'bouda bihaqqin illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et cette parole a de grands mérites, si on essaie de les calculer et de les compter, on ne pourrait jamais y arriver. C'est pour cette parole que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création et a envoyé les messagers et a fait descendre les livres. Et c'est pour cette parole que les hommes ont été divisés, soit en croyants ou en mécréants, ou soit parmi les hommes qui seront heureux d'entrer au paradis ou malheureux parmi ceux qui entreront en enfer. C'est l'anse la plus solide, c'est la parole de la piété. C'est le plus grand de tous les piliers de l'islam et des branches de la foi. C'est la voie vers le salut, vers le paradis et d'être sauvé de l'enfer, pour être sauvé de l'enfer. Et c'est la parole du témoignage. C'est la clé de la demeure du bonheur, c'est-à-dire du paradis. Et c'est la base de la religion et la tête de tout ce qui a rapport avec l'islam. Et donc les mérites de cette parole et sa position dépassent ce qu'on peut en dire ou ce qu'on peut dire pour décrire la grandeur de cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Imran qu'il témoigne, hein, il dit ce qui signifie qu'il témoigne yani lui-même ainsi que ses anges et ceux qui détiennent la science que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Donc il témoigne lui-même, de même que ses anges et ceux qui détiennent la science, que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, en toute équité et justice. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est le Tout-Puissant et le Sage. Et c'est une parole qui est mentionnée dans le Coran et qui est clarifiée par les messagers que Allah a envoyés. Et c'est yani, le cœur et le centre de la mission de tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Nous n'avons envoyé de messagers avant toi, c'est-à-dire avant toi, ô Muhammad, excepté que nous leur avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi, c'est-à-dire adorez-moi seul et rejetez tout ce qui est adoré en dehors de moi. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie dans surat Al-Nahl « Nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour qu'ils disent à leur nation ou à leur peuple « Adorez Allah seul et écartez-vous du tarout. » C'est-à-dire, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne également dans surat Al-Nahl qu'il fait descendre ses anges avec la révélation, avec le Coran, ou avec la révélation qui est révélée aux messagers par son ordre. Et il choisit ceux d'entre ses serviteurs qu'il décide yani, pour être des messagers et pour qu'ils avertissent l'humanité que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, alors adorez-le. Et donc cette parole, yani, c'est la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée dans cette surah, surat Al-Nahl, comme grâce, parce que c'est une surah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala énumère yani, plusieurs d'entre ces grâces qu'il a fait à ses serviteurs. Et la première d'entre elles qu'il a mentionnée, c'est la grâce du tawhid et d'avoir envoyé la parole ou le message de l'unicité d'Allah. Et donc c'est la plus grande des grâces qu'il a fait à ses serviteurs. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie, et il a fait descendre sur vous, où vous a comblé de ses grâces apparentes et cachées, Mujahid, un des grands savants de l'islam dans le tafsir, il a dit que ça signifie la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est la plus grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ma an'ama Allah ala 'abdin min al-'ibad ni'matan a'zama min an 'arrafahum la ilaha illallah. C'est-à-dire que l'imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, il a dit, il n'y a pas une grâce qui est plus grande pour le serviteur que de leur avoir fait connaître la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Wa min fada'iliha anna Allah wasafaha fil Qur'an bi annaha al kalimatu at-tayyibah. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Parmi les bienfaits et les mérites de la ilaha illallah, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran en l'appelant la bonne parole. Et il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran ce qui signifie « N'as-tu pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné une parabole ?» La parabole d'une bonne parole qui est comme un arbre qui est bon. Sa racine ou sa base, elle est ferme et ses branches sont très élevées dans le ciel. Elle donne de ses fruits régulièrement de la part de son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne ce genre de parabole ou d'exemple pour les hommes pour qu'ils puissent se souvenir. وهي القول الثابت في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Également, لا إله إلا الله, c'est la parole de fermeté que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset lorsqu'il dit ce qui signifie Allah subhanahu wa ta'ala raffermit ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Et donc, cette parole de fermeté, c'est la parole de la ilaha illallah. Wa hiya al-ahd fi qawlihi ta'ala la yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة وهي رأس كل تقوى. Donc également لا إله إلا الله c'est العهد, c'est-à-dire l'engagement et l'entente que Allah subhanahu wa ta'ala a pris avec l'humanité, c'est-à-dire de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il dit ils ne détiennent pas l'intercession, c'est-à-dire au jour de la résurrection, excepté pour celui qui a pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet engagement, c'est le témoignage de la ilaha illallah. Et Abdullah ibn Abbas a mentionné que justement le témoignage de la ilaha illallah, c'est cet engagement-là, et on se désavoue auprès d'Allah de toute force et de toute puissance et de tout mouvement. Et on sait que la base de toute piété, c'est la parole de la ilaha illallah. Il n'y a pas de piété sans la ilaha illallah. C'est-à-dire que celui qui est par exemple sur le shirk, même s'il fait preuve de bonté ou de gentillesse ou il fait des bonnes œuvres, eh bien ce ne sera pas calculé pour lui parce qu'il n'a pas la base de la piété et la base de la foi qui est le tawhid, la ilaha illallah. ومن فضائلها أنها العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Parmi les mérites de la ilaha illallah, il y a que ses lances la plus solide. Celui qui s'y accroche sera sauvé, tandis que celui qui ne s'y cramponne pas sera perdu et il périra. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah ce qui signifie « Celui qui renie le tarot, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qui croit en Allah, c'est-à-dire qui croit en Allah seul et qui n'adore rien d'autre que lui, alors il s'est certes accroché à l'anse la plus solide, qui ne brise pas. » Et il mentionne dans surat Luqman ce qui signifie « Et celui qui soumet ou qui a soumis son visage à Allah alors qu'il est bienfaisant et qu'il fait ses actions avec excellence, alors il s'est certes accroché à l'anse la plus solide qui ne brise pas. » ومن فضائلها أنها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Parmi les mérites de la ilaha illallah, c'est que c'est la parole que Ibrahim a laissée à sa progéniture après lui pour qu'il puisse revenir à la vérité et au tawhid. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran ce qui signifie, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera, et il a fait de cette parole une parole qui reste dans sa progéniture pour qu'il puisse revenir. وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين كانوا أحق بها وأهلها. قال الله تعالى وإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Et donc, yani c'est la parole de piété. La ilaha illallah, c'est la parole de piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que lui-même, comme étant les plus dignes et les plus proches de cette parole. Il mentionne dans Surat al-Fath, et lorsque ceux qui ont mécru eurent mis la fureur de l'ignorance dans leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux, c'est-à-dire sur le messager et sur ses compagnons, la parole et il a fait descendre sur eux sa tranquillité et il leur obligea la parole de piété. Et ils en furent plus dignes et plus proches. Et Allah est certes omniscient de toutes choses. Il connaît toutes choses. وروى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله وقال سعد بن عياض أتدري ما هي يا أبا عبد الله هي والله كلمة التقوى ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها. C'est-à-dire qu'il a été rapporté selon Amr ibn Maymoun, qui a dit que les hommes n'ont rien mentionné ou n'ont rien dit de meilleure parole que la parole de la ilaha illallah. Alors Fadl ibn Iyad a dit, sais-tu ce que c'est cette parole? Hein? Il a dit, c'est par Allah la parole de piété. Celle que Allah subhanahu wa ta'ala a rendue obligatoire ou celle qu'il a obligée à son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses compagnons. Et ils en furent plus dignes et plus proches. ومن فضائل هذه الكلمة أنها منتهى الصواب وغايته قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أنه قال إلا من أذن له الرب عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب. Également, la parole de la ilaha illallah, c'est la parole la plus correcte et la plus exacte. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans sourate An-Naba, ce qui signifie le jour où l'ange Gabriel, Ar-Ruh, ainsi que les autres anges vont se tenir en rang. Personne ne parlera excepté celui à qui Allah aura donné la permission et qui dira ce qui est correct. Et ça a été rapporté selon Ibn Abbas, qui a dit que, excepté celui à qui Allah donnera la permission, et qui dira une parole correcte, que ça signifie, excepté ceux à qui Allah donnera la permission, par le témoignage que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. C'est-à-dire du témoignage de la ilaha illallah, parce que c'est la chose la plus correcte. Et Ikrima, qala Ikrima, rahimahullah, as-sawab, la ilaha illallah. C'est-à-dire celui qui aura dit la ilaha illallah. Wa min fada'iliha annaha hiya da'watul haqq. Al-murada biqawlihi ta'ala, lahu da'watul haqq. Wal-lazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay. Illa kabasati kaffayhi ila al-ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighihi. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal. Également, parmi les mérites de la ilaha illallah, c'est que c'est l'appel de vérité et l'invocation de vérité qui est mentionné dans la parole d'Allah dans surat al-Ra'd, lorsqu'il dit ce qui signifie à lui appartient l'invocation de vérité ou l'appel de vérité. Et ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux que les idolâtres et les mushrikin invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent en rien leur répondre, excepté comme celui qui tend sa main vers de l'eau pour essayer d'en boire un peu, et il n'arrive pas à l'atteindre. Hein? Comme celui qui tend sa main vers un mirage. Et donc ça c'est l'exemple des mushrikins qui invoquent ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. C'est-à-dire l'invocation que font les mécréants à leurs idoles n'est que égarement. Ce n'est que de l'égarement. ومن فضائلها أنها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام فعليها يوالون ويعادون وبها يحبون ويبغضون وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا قال العلامة محمد أمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضها ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. Et donc, également parmi les mérites de la ilaha illallah, c'est que c'est le lien qui réunit réellement tous les éléments qui font partie de la religion de l'islam. Et c'est autour d'elle qu'ils se réunissent, autour de cette parole qu'ils se réunissent, qu'ils aiment et qu'ils détestent, et qu'ils s'allient et qu'ils se détestent. Et c'est à cause de cette parole que la société musulmane est devenue comme un seul corps et comme un mur serré, hein, brique par brique, hein, chaque brique du mur se tient solidement par l'autre. Et un des savants de tafsir, Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, a mentionné qu'il n'y a pas de doute entre les musulmans que le lien qui unit les individus de la terre, les habitants de la terre, les uns avec les autres, et qui unit les habitants de la terre et des cieux, c'est le lien de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et il n'est pas du tout permis d'appeler par un autre appel que cet appel. ومن فضائل هذه الكلمة أنها أفضل الحسنات. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد ورد عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم أن المراد بالحسنة لا إله إلا الله. وعن عكرمة في قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها قال قول لا إله إلا الله قال لا خير لا له منها خير لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله. وقد ثبت في المسند وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله. Et donc parmi les mérites de cette parole de la ilaha illallah, c'est que c'est la meilleure des bonnes œuvres. La meilleure des bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans surat An-Naml. Celui qui vient avec le bien, hein, avec une bonne action, alors il aura du bien de celle-ci. Il a été rapporté selon Ibn Abbas et Ibn Mas'ud et Abu Huraira que le bien ou la bonne action qui est mentionnée dans le verset, c'est la parole de la ilaha illallah. Essayez de vous rapprocher un peu pour laisser de l'espace. Wa'an Ikrima, c'est rapporté selon Ikrima que la parole, hein, dans le verset, celui qui ramène un bien ou qui fait du bien, il aura du bien de celle-ci. Eh bien, il a mentionné que c'est la parole de la ilaha illallah. Il n'y a rien de meilleur que cette parole. Parce que il n'y a rien de mieux que la ilaha illallah. Et comme il a été rapporté dans la Musnad et dans d'autres livres également selon Abi Dhar, qu'il a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, apprends-moi une action qui va me rapprocher du paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. Il a dit, si tu fais une mauvaise action, fais une bonne action à la suite de celle-ci, car elle en vaut dix. Et il demanda au messager d'Allah, est-ce que parmi les bonnes actions, on peut dire la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et il dit, certes, c'est la meilleure des bonnes actions. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الذكر وأفضله وأكمله لا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ بها باللسان فقط دون قيام العبد بحقيقة مدلولها وتطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به فذلك يكون العبد فبذلك يكون العبد مسلما حقا وبذلك يكون من أهل لا إله إلا الله serviteur d'Allah sachez que la parole de la ilaha illallah que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah c'est le meilleur rappel qu'on peut dire et le plus parfait d'entre les rappels et sachez que cette parole de la ilaha illallah elle ne sera pas acceptée uniquement parce qu'on l'a prononcée avec la langue sans avoir fait en sorte d'appliquer ce qu'elle implique et ce qu'elle signifie et donc c'est pas juste une parole qu'on dit comme ça avec la langue la ilaha illallah sans comprendre sa signification sans comprendre ce qu'elle implique sans comprendre ce qui s'y oppose et sans la mettre en application. Et donc, le serviteur d'Allah doit comprendre tout ça et doit comprendre que parmi les buts et les objectifs de cette parole, il y a le fait de nier le shirk, c'est-à-dire de rejeter et de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de confirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une ferme croyance et conviction du cœur pour tout ce qui est impliqué par cette parole et également bien entendu l'application de ce que cela signifie et c'est ainsi que le musulman sera un vrai musulman et qu'il sera vraiment parmi les gens de la ilaha illallah وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله وأن إلهية ما سوى الله أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم ومنتهى الضلال قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى والكافرون هم الظالمون والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ولا ريب أن صرف العبادة لغير الله ظلم لأنه وضع لها في غير موضعها بل إنه أظلم الظلم وأخطره Serviteur d'Allah, sachez que cette parole de la ilaha illallah comprend que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah n'est pas une divinité et qu'elle ne mérite pas d'être adorée et que sa divinité est la plus grande de toutes les faussetés et la plus injuste de toutes les injustices et la limite de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et qui est plus égaré que celui qui invoque quelque chose en dehors d'Allah ?» qui ne lui répondra jamais jusqu'au jour de la résurrection et qui est complètement insouciant de son invocation. Et lorsqu'il sera ressuscité au jour de la résurrection, ils seront ennemis entre eux. Hein? Ils seront ennemis et ils rejetteront et renieront leur adoration. C'est-à-dire que tous ceux qui ont adoré quelque chose en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit un saint, une tombe, un prophète, un messager, une étoile, ou une idole, ou une statue, ou un arbre, ou une pierre, ou peu importe. Hein, qu'est-ce que cela peut être? Même si quelqu'un, par exemple, a adoré un messager d'entre les messagers, ou un homme pieux parmi les saints, comme certains le font malheureusement dans certains pays musulmans, eh bien, au jour de la résurrection, ils seront ressuscités et ils seront ennemis les uns des autres. Et ils vont renier leur adoration. C'est-à-dire, les choses qui ont été adorées en dehors d'Allah vont renier l'adoration qui leur avait été offerte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également que, certes, la vérité c'est Allah.